Ézéchiel chapitre 22. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, « Et toi, fils d'homme, ne jugeras-tu pas, ne jugeras-tu pas la ville sanguinaire, et ne lui donneras-tu pas à connaître toutes ses abominations ? Tu diras donc, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au-dedans de toi, afin que ton temps vienne, et qui a fait des idoles à ton préjudice, pour en être souillé. Tu t'es rendu coupable par ton sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par tes idoles que tu as faites, tu as fait approcher tes jours, et tu es venu jusqu'à tes ans, c'est pourquoi je t'ai exposé en opprobre aux nations, et en dérision à tous les pays. Celles qui sont près de toi, et celles qui en sont loin, se moqueront de toi, infâme de réputation, et remplie de troubles. Voici, les princes d'Israël ont contribué au-dedans de toi, chacun selon sa force, à répandre le sang. On a méprisé père et mère au-dedans de toi, on a usé de tromperie à l'égard de l'étranger au-dedans de toi, on a opprimé l'orphelin et la veuve au-dedans de toi. Tu as méprisé mes choses saintes, et profané mes sabbats. Des gens médisants ont été au-dedans de toi pour répandre le sang, et ceux qui sont au-dedans de toi ont mangé sur les montagnes, on a commis des actions énormes au milieu de toi. L'enfant a découvert la nudité du père au-dedans de toi, et on a humilié au-dedans de toi, la femme dans le temps de sa souillure. Et l'un a commis abomination avec la femme de son prochain, et l'autre, en commettant des actions énormes, a souillé sa belle-fille, et l'autre a humilié sa sœur, fille de son père, au-dedans de toi. On a reçu en au-dedans de toi des présents pour répandre le sang, tu as pris de l'usure et du surcroît, et tu as fait un gain déshonnête sur tes prochains, en usant de tromperie, et tu m'as oublié, dit le Seigneur, l'Éternel. Et voici, j'ai frappé de mes mains l'une contre l'autre, à cause de ton gain déshonnête que tu as fait, et à cause de ton sang qui a été répandu au-dedans de toi. Ton cœur pourra-t-il tenir ferme, ou tes mains seront-elles fortes au jour que j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je le ferai. Et je te disperserai parmi les nations, je te bannerai par les pays, et je consumerai ta souillure, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en toi. Et tu seras partagé en toi-même en la présence des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Fils d'homme, la maison d'Israël m'est devenue de l'écume, eux tous sont de l'airain, de l'étain, du fer, et du plomb dans un creuset, ils sont devenus une écume d'argent. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus de l'écume, voici, je vais à cause de cela vous assembler au milieu de Jérusalem. Comme qui assemblerait de l'argent, de l'airain, du fer, du plomb et de l'étain dans un creuset, afin d'y souffler le feu pour les fondre, je vous assemblerai ainsi en ma colère et en ma fureur, je me satisferai, et je vous fondrai. Je vous assemblerai donc, je soufflerai contre vous le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent se fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, « Fils d'homme, dis-lui, tu es une terre qui n'a pas été nettoyée, ni arrosée de pluie au jour de l'indignation. Il y a un complot de ces prophètes au milieu d'elle, ils seront comme des lions rugissants qui ravissent la proie, ils ont dévoré les âmes, ils ont emporté les richesses et la gloire, ils ont multiplié les veuves au milieu d'elle. Ces sacrificateurs ont fait violence à ma loi, et ont profané mes choses saintes. Ils n'ont point mis différence entre la chose sainte et la profane, ils n'ont point donné à connaître la différence qu'il y a entre la chose immonde et la nette, et ils ont caché leurs yeux de mes sabbats, et j'ai été profané au milieu d'eux. Ces principaux ont été au milieu d'elles, comme des loups qui ravissent la proie, pour répandre le sang et pour détruire les âmes, pour s'adonner au gain des honnêtes. Ces prophètes aussi les ont enduits de mortiers mal liés, ils ont des visions fausses, et ils leur devinent le mensonge, en disant, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, et cependant l'Éternel n'avait point parlé. Le peuple du pays a usé de tromperie, et ils ont ravi le bien d'autrui, et ont opprimé l'affligé et le pauvre, et ont foulé l'étranger contre tout droit. Et j'ai cherché quelqu'un d'entre eux qui refit la cloison, et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruisisse point, mais je n'en ai point trouvé. C'est pourquoi je répandrai sur eux mon indignation, et je les consumerai par le feu de ma fureur, je ferai tomber la peine de leur train sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel.